On a un beau tournoi. OK. Et on ne sait toujours pas si le tournoi pourrait être transféré au début de l'année, explique Éric Delisle. On prend toujours la décision d'année en année. C'est toujours embêtant à dire. Je sais que, c'est ça, on en parle souvent là, de fusionner avec, comme faire un tournoi midget bantam. OK. Mais le problème qu'il y a, c'est que Métabetchouan, ils ont un tournoi, eux autres, au mois de novembre. OK. Et, on veut pas entrer en compétition nécessairement avec d'autres tournois. Fait que c'est pas facile. Là, c'est pour ça qu'on l'a maintenu au mois de février. C'est revu d'année en année. Là, OK. Le tournoi est sous la présidence d'honneur de Stéphane Fortin de Dolbeau-Auto. Une équipe qui va très bien, c'est les Rapides de Dolbeau-Missassini, catégorie Bantam. Ils sont au 24e rang au classement POC. En entrevue hier sur les ondes de danazosport.com, l'instructeur-chef Sébastien Godette nous a parlé des forces de l'équipe. L'attaque soit peut-être un peu moins dominante, puis que ma défensive soit là. Puis tu sais, ça a été complètement l'inverse. On accordait des buts, on accordait énormément de buts. Je veux dire, on a perdu des matchs 6-5, on a gagné des matchs 10-7, Danny. un match contre 7-6, 10-7. J'ai pas de cheveux blancs, mais je peux te dire que pour un coach, là, 10-7, t'en as quelques-uns après le match. Là, moi, ce que je trouve le fun comme entraîneur, c'est... Tu sais, un entraîneur, ça aime ça quand son attaque va bien, mais c'est des matchs de 4-1, de 3-1, de 2-0. Ça, c'est gratifiant, c'est plaisant quand on donne pas trop de chances de marquer. Fait que c'est là-dessus qu'on a travaillé. Puis quand je parle de défensif, je parle pas juste de défenseur, hein, tu comprends? Je parle d'unité, c'est une unité de 5, c'est les 5 joueurs sur la patinoire avec le gardien de but, puis c'est de revenir dans notre zone, c'est de travailler fort dans notre zone, puis c'est là-dessus qu'on a travaillé beaucoup. Et je termine avec du curling au tournoi senior qui se déroule à Sept-Îles. L'équipe de Steve Boudreau de Beaumont-Sessigny a perdu 7-1 contre la formation de Steve Gagnon. L'équipe de Steve Gagnon qui a 6 victoires, aucune défaite, et l'équipe de Steve Boudreau a une fiche de 500. Je vous invite à écouter la section entrevue de danazosport.com. Plusieurs entrevues hier. D'abord, on a parlé avec le maire de Robertval, Sabin Côté, pour parler de la future équipe à Robertval. Également, on a parlé aussi avec l'instructeur-chef des Rapides de Dolbeau-Missassini, Sébastien Godette. Robin Bouliane vient nous parler des Castors de Dolbeau. Hugo Maltais vient nous parler de l'action au hockey mineur de Robertval. Et également, vous pouvez écouter Stéphane Lebeau qui commente l'actualité chez le Canadien de Montréal. Le sport local et régional à danazosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.